Nadine quitta l'amphithéâtre dans un silence complet. C'était devenu une tradition. Aucun étudiant ne faisait jamais le moindre mouvement tant qu'elle n'avait pas disparu par la petite porte au bout de l'estrade. Ses cours magistraux, donnés d'une voix assez forte pour se passer du micro, rencontraient toujours le même succès. D'autres professeurs provoquaient davantage d'enthousiasme, suscitaient des rires ou des questions, établissaient un rapport de sympathie avec leur auditoire. Mais Nadine ne s'en souciait pas. Elle ne cherchait ni à être populaire, ni à transmettre un savoir. Elle exposait avec rigueur une réalité scientifique.